sais pas ce que je dois faire. Et je me dis parfois qu'il vaut mieux se taire. Pourtant je ne nie pas que ce que tu sers entre tes petits doigts, c'est mon amour sincère. J'invente notre propre monde, j'écris notre nouvelle vie. Voudras-tu entrer dans ma ronde? Voudras-tu partager mes nuits, même si au matin tu oublies que tu vires du blanc au gris? Je ne sais pas tes rêves ni tes envies, et je ne rirai pas de tes gestes imprécis. Je n'ai rien à partager mes nuits, donner un sursis à nous deux, abandonner le gris.